franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe et Margaret de Beaulieu. Quentin, vous avez bien de la chance, le joli bourg provençal de Dieu le Fit, qui eut bien raison de le faire, pour notre plus grande joie, car c'est un endroit charmant. Et une activité de poterie y existe depuis plus de 2000 ans, Margaret. Eh oui, tu te rends compte ? Une activité qui profite de l'argile locale de l'eau du Rhône et des forêts. Vous vous rendez compte de ce que ça fait 2000 ans, Quentin ? Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Bonjour docteur, bonjour Margaret. Philippe, bonjour. Bonjour Quentin. 2000 ans Quentin, vous vous rendez compte ? Ah oui, vous n'étiez pas vieux il y a 2000 ans Quentin, vous n'étiez même pas un projet. 2000 ans, est-ce que vous vous rendez compte ? Hein ? Ah là, si seulement les pierres pouvaient parler, elles nous raconteraient des... Vous avez quel âge Quentin ? 42. Eh bien vous vous rendez compte, ça fait quasiment 500 fois votre vie. Ouh. Vous imaginez votre vie 500 fois ? C'est-à-dire que je revive ma vie 500 fois ? Non, que ce soit aussi long que votre vie, mais 500 fois. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour réaliser comme c'est long, 2000 ans. Ah oui, vous réalisez comme c'est long, 2000 ans. Ah oui, c'est énorme. Ah oui, et pourtant non, car si on réduisait la vie de la Terre à 24 heures, eh bien, cela correspondrait à une seconde. C'est rien, une seconde. Donc. Ah oui, c'est vrai, c'est rien. Ça vous a fait une seconde ? Oui. Ouais. Et pourtant, 2000 ans, eh ben, c'est énorme. Et oui, et pourtant, c'est rien. Ah bon ? Et vous êtes dans la Drôme ? Oui. Allô ? Oui, on vous écoute, Quentin. Et il faut y aller, parce qu'on n'a pas 2000 ans devant nous. On aimerait bien. Mais non. Voilà. Oui, j'ai un tout petit souci, en fait. Comment dire ? En fait, c'est avec mon voisin que ça va pas trop. D'accord, un problème de voisinage alors. Alors, à l'échelle de la petite seconde que les 2000 ans de la Terre représentent, ça correspond à peine à un micro-millionème de seconde, un problème de voisinage. Mais ça doit être important pour vous, Quentin, puisque vous nous appelez. C'est sûr que c'est pas la fin du monde non plus. Hein. Oui, et non. Tant mieux pour nous alors. Oui. C'est juste que ma femme est très stressée parce qu'elle a surpris notre voisin avec des jumelles. En train de la regarder pendant qu'elle se déshabillait. Ah. Et le problème, c'est qu'il n'a pas à nous espionner, hein, encore moins à regarder ma femme dans son intimité. Absolument. Voilà. Oui, alors on est inquiet parce que je suis allé le voir en personne, il a nié, et là je me demande si je dois déposer une main courante parce qu'il faut que ça s'arrête, parce que c'est très désagréable pour ma femme qui commence à. Hein ? A pu le supporter. C'est pas vrai. Je pensais pas retrouver. Il y a deux petites griffes garde ma bague qui sont ouvertes. Alors évidemment au passage j'ai trouvé mon collant en plumetis. J'ai tout gagné. Voilà. Heureusement. Non, allô. Oui. Oui. Pardon. Non. Merci, hein, Philippe. Non, je viens de retrouver mon petit brillant. Il est tout petit, mais voilà. J'y tiens. Bon, mais ce qui a vraiment aujourd'hui de la valeur, c'est vous, hein. Quand, c'est vous. Merci. Et oui, mais même petit, un diamant est éternel. Voilà. Et alors là, on ne parle plus de 2000 ans, mais de... Oula. S'il pouvait nous raconter tout ce qu'il a vu, ce petit brillant. Mais bon, pour le moment, problème de voisinage. Voilà, alors allons-y. Alors, voilà, votre voisin, et qu'est-ce qu'il a vu ? Rien, mais on a fermé les volets. Formidable ! Merci, Quentin. Merci. Merci. Non, mais attendez, j'ai pas fini. Ah bon ? Bah alors, on vous écoute, hein, Quentin. Non, mais j'ai l'impression que je vous ennuie. Pourquoi vous dites ça ? Il faut pas dire ça, Quentin. Non. Mince, Quentin. Allez. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Hein ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà. Allez, Quentin, là, maintenant, il faut se... Allez. Allons-y. Bon, alors, donc est-ce que je dépose une main courante ? Pourquoi ? Par rapport au voisin. Ben oui, alors, qu'est-ce qu'il a... Alors, qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il fabrique, le voisin? Pourquoi il fait tout ça? Le bruit, les bruits, la tondeuse de dimanche. Alors, en fait, vous cherchez à renouer un dialogue. Reparlez-vous. Ah, vous savez quoi, Quentin? Un petit bonjour le matin. Il sera étonné au départ. Et puis, petit à petit, le dialogue sera renoué. Voilà, Quentin. Merci, Quentin. Mais il n'y a pas de problème de tondeuse. Mais vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit. Mais enfin, mais sûr que si, quand même. Mais non. Mais si, vous avez un problème avec votre voisin, voilà. Ouais, quel problème? Eh bien, le problème pour lequel il va déposer la main courante. Qui? Eh bien, lui. Ben non. Ben non, voilà, c'est vous. Ben oui. Et ben voilà. Non, mais c'est quoi le problème avec mon voisin? Ben non, ben monsieur, quand même, si vous voulez. C'est à nous de vous poser cette question. C'est le monde à l'envers, là, Quentin. Oui. Mais c'est fou comment la petitesse d'un problème peut renvoyer à la médiocrité de sa propre existence. Je dis ça sans méchanceté aucune, hein, mais... Je dirais juste cette bien belle pensée de Marc Lévy. Certains moments ont un goût d'éternité. Oui, bah pas aujourd'hui en tout cas. Oui, mais c'est sûr qu'on n'est pas dans les annales du problème existentiel. Voilà. Bon, merci malgré tout Yann Chouquet qui a mis en onde cette émission coûte que coûte. Oui, merci Philippe pour vos petits brillants. Merci Margaret, ça m'a donné l'occasion de te l'offrir une deuxième fois. Voilà. Au revoir à tous. Au revoir. À votre écoute. Coûte que coûte, c'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr.